soudain semble lourd. Les draps de velours de ton lit, quand j'oublie jusqu'à notre amour. Ensemble lourd, des bras qui m'entourent déjà dans la nuit. Un bateau pas s'en va quelque part, les gens se séparent. D'acajou, des violons nous rejouent notre mélodie, mais j'oublie. On sépare dans un jour contre jour, tout devient floué, j'oublie. Rebours d'une nuit, quand j'oublie jusqu'à notre amour. Court le temps, semble court, tes doigts qui parcourent ma ligne de vie. Sans un regard, les amants s'égarent sur un quai de gare.